Se lever se dit to get up. Up, to get up, se lever. Comment dit-on « je me lève maintenant » I'm getting up. I'm getting up. Je me suis levé. Passé. Get. I. Got. I got. I got up. I got up. I got up. À quelle heure vous êtes-vous levé? At what time did you got up? Did you get up? Right. At what time did you get up? At what time did you get up? To get est un verbe qui s'emploie beaucoup en anglais et qui a de nombreuses significations différentes. On peut jongler avec ce verbe. On peut dire par exemple to get up pour se lever, to get in, entrer, to get out, sortir, et il y en a une multitude d'autres. On peut employer ce verbe pour faire sortir quelque chose, pas sortir dans le sens de sortir, passer une soirée au restaurant ou aller au cinéma, qui se traduirait en anglais par going out. Mais par exemple, I cannot get out, c'est-à-dire je suis bloqué, je suis enfermé. I cannot get out. I cannot go out veut dire aller en sortant, n'est-ce pas? He cannot get out. La porte est fermée à clé. He cannot get out. I cannot get in. La porte est fermée. Je ne peux pas entrer. He is getting tired, par exemple, signifie il se fatigue. Il commence à être fatigué. Il devient fatigué. He is getting tired. He is getting. Il est en train de devenir fatigué. He is getting tired. He gets tired. Dans ce cas, c'est une situation habituelle. He gets tired easily. Il se fatigue facilement. On est d'accord. He gets tired easily. Il se fatigue facilement. Mais he is getting tired, ça veut dire... Il devient fatigué. Il devient fatigué. Il commence à se fatiguer. Il commence à devenir fatigué. He is getting tired. It is getting late. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Il se fait tard. Oui, bravo. Il commence à se faire tard. Il se fait tard. It is getting late. It is getting late. It is getting late and I'm getting tired. He is getting sick. Sick. Malade. Ça veut dire... Il est devenu malade? Non, pas il est devenu, mais il... Il devient malade. Il devient malade. Il commence à devenir malade. He is getting sick. Angry signifie fâché. Alors, il est fâché. He is angry. He is angry. Il se fâche, il commence à devenir fâché. He is getting angry. Once more. He is getting angry. Right. He is getting angry. Yes. Yes. Attention. J'ai faim en anglais se dit I am hungry. Littéralement, je suis faim ou je suis affamé. I am hungry. On ne dit pas j'ai faim, mais je suis affamé. I am hungry. Hungry s'écrit H-U-N-G-R-Y. I am hungry. Je commence à avoir faim. Ça veut dire, je commence à devenir affamé. I'm getting... Yes. Hungry. Yes, I'm getting hungry. Yes, I'm getting hungry. J'ai soif se dit, I'm thirsty. Thirsty s'écrit T-H-I-R-S-T-Y. Thirsty. J'ai soif, je suis soif, se dit comme avec j'ai faim, I am thirsty. Je n'ai pas soif, I am... Not thirsty. I'm not thirsty. Je commence à avoir soif. I'm getting... Thirsty. I'm getting thirsty. Yes. C'est la même chose pour j'ai froid. Froid en anglais, cold. Cold. C-O-L-D. Cold. Cold. Cold. Cold. Donc en anglais, pour dire j'ai froid, je suis... I'm cold. I'm cold. Je n'ai pas froid. I'm not cold. I'm not cold. Avez-vous froid? Are you cold? Are you cold? Yes. Alors, on ne dit pas « avez-vous », mais « êtes-vous ». Are you cold? Je commence à avoir froid. I'm getting cold. Right! I'm getting cold. C'est la même chose avec chaud. Chaud se dit warm. Warm. Warm. Warm, W-A-R-M. Warm. Alors, comment dit-on? J'ai chaud. Je suis... I'm warm. I'm warm. Warm. Yes. I'm warm. I'm hot. Hot. Ça veut dire très chaud. Hot. Hot. H-O-T. Hot. Et je commence à avoir chaud. I'm getting warm. Right. I'm getting warm. I'm getting warm. Pour parler du temps qu'il fait, de la température, en anglais, au lieu de dire « il fait chaud », on dit simplement « c'est chaud ». It is, c'est « it is ». It is warm. It is warm here. It is cold here. It is beautiful today. Comment dit-on « je suis occupé », vous vous souvenez? I'm busy. I'm busy. Et je commence à être occupé. I'm getting busy. I'm getting busy, yes, yes. Sous la table. Sous. Under. Under the table. Under. U-N-D-E-R. Under. Under. Under. Under. Sur la table. On. Sur, on. On. Sur la table. On the table. Et par-dessus la table, over the table. Over. Over. Over the table. Over the table.